Ils me disent, je vous le dis de même, ils disent que ceux qui s'aimeront ne seront pas séparés. Donc, comprenez ce que vous voulez là-dedans.